À l'occasion du 75e anniversaire du jour de naissance du général Kim Jong-il, le dirigeant national du Parti travailliste mexicain, le président du Parti africain pour la solidarité et la justice du Mali et le secrétaire général du Parti démocratique équato-guinéen ont fait parvenir leur message de félicitations au dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti travail de Corée, président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'armée populaire de Corée. Les dessinateurs ont affirmé que le camarade Kim Jong-il s'éternise avec l'invincible Parti du Travail de Corée qui conduit la marche générale du peuple coréen pour l'édification d'une puissance socialiste et que ses immortels exploits brilleront à jamais dans l'histoire politique internationale. Ensuite, ils ont souhaité de plus grands succès au camarade Kim Jong-un qui conduit à la victoire le parti et le peuple coréen.